L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Sixième épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme. Le beau-père de Linda, ma fille, Akan von Henke, ancien officier de marine, et maintenant sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Akan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage. En tout cas, Akan savait des choses qui pouvaient en gêner certains. Ma maison avait été fouillée et je commençais à croire qu'on m'observait moi aussi. Ça ne pouvait signifier qu'une chose. Ce qu'avait découvert Akan était toujours d'actualité. Tellement d'actualité que des inconnus venaient de se garer devant chez moi au beau milieu de la nuit. Sors par derrière. Viens, je te dis, dépêche-toi. Ce qu'il y a de bien quand on a oublié son arme dans un restaurant, c'est qu'ensuite, on la laisse au poste, dans un coffre, là où on est sûr qu'elle ne pourra pas nous servir en cas de besoin. Mona, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir où tu habitais, faire le tour du propriétaire. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Il fait nuit, il n'y a rien à voir. Tu as bu? Ah, tu as gardé cet affreux canapé qu'on avait à Maria Gatan. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'était dans une autre vie. Est-ce que tu peux être froid? Pourquoi es-tu si dur toujours? Tu vois, c'est pour ça que je suis partie. C'est moi qui suis partie. Mona, pourquoi t'es venue ici? C'est vraiment pas le moment. J'ai peur, ok? Avec toi, c'est jamais le moment. On peut partager plus qu'un coup de fil par an. J'ai rencontré un mec. Un sale type. Un connard. Tu es la seule personne au monde vers qui je peux me tourner. Ok. Viens, on va marcher un peu. Ensuite, un café. Prends ma veste, il fait froid la nuit près des falaises. Je n'avais pas vu mon ex-femme depuis des années. La dernière fois, c'était à la fête de fin d'études de Linda, à l'école de police. Mona avait bu, elle s'était trop maquillée, elle m'insupportait. Sa façon de tout dramatiser à outrance, de passer du rire aux larmes en une seconde. Mais un homme lui avait fait du mal et ça me touchait. J'avais aimé cette femme plus que tout autre. Même si depuis j'avais fait des rencontres, Mona restait la femme la plus importante de ma vie. Un amour peut en remplacer un autre, mais l'ancien reste toujours là. La plupart des gens vivent leur vie avec des doubles fonds, sans doute pour ne pas couler lorsqu'ils s'aperçoivent que l'un d'eux est percé. De l'autre côté, là-bas, c'est la ferme des voisins. En été, c'est plein de colza. Attention, il y a beaucoup de fossés, j'ai failli me casser la patte un jour. J'aime cet endroit. J'aurais pu m'y sentir bien, je crois. Tu as acheté quand? Il y a 5 ans, je retape tout moi-même. L'hiver, il fait un peu froid, mais Ici, il y a des couleurs, des lumières que tu peux imaginer nulle part ailleurs. Tiens, viens. C'est Linda qui a insisté pour que j'installe ce banc l'année dernière. Elle doit se dire que, pour ma retraite, je pourrais venir ici regarder les ferries. Tu te rappelles comme on était heureux ensemble, Mona? Embrasse-moi. Mona, je t'en prie. Qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai besoin d'un verre et d'une cigarette. C'est quoi ça? On est divorcés et tu continues à fouiller dans mes poches. J'ai ramassé ça sur une île près de Stockholm. Ça m'a rappelé l'époque où j'apprenais à Linda à faire des ricochets sur les temps près de chez nous. Elle rapportait des galets à la pelle. Et après, j'en retrouvais partout. Dans la machine à laver. Dans ses chaussures. Elle m'interdisait de les jeter. Je m'en servais pour caler les portes. Et de presse-papier pour les factures. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bah quoi? De presse-papier pour les factures. Qu'est-ce que j'ai dit? L'autre soir, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait, qu'il y avait un truc de changé. Et puis j'ai trouvé l'album photo. J'ai oublié, il y avait un galet sur le bureau de Hakan la première fois. Il y était plus quand j'y suis retourné. Même si c'est pas la femme de ménage, quelqu'un est venu faire le ménage dans ce bureau. Viens, on rentre, il faut absolument que je téléphone. Vous êtes bien sur le répondeur du commissaire Itterberg. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès... Mais c'est pas vrai. Tu es certain que ça ne te dérange pas que je reste? Je peux rentrer, prendre un hôtel? Non, je te laisse mon lit. J'ai toujours rêvé de dormir dans la chambre d'amis de ma propre maison. Faut bien l'inaugurer un jour. J'ai changé mes draps juste avant de partir. Ils sont propres. Merci d'être là. Mona, tu veux du thé ou du café? Mona était partie avant que je me réveille. Moi qui d'ordinaire sursaute au moindre bruit, elle avait laissé un mot sur la table. Pardon d'être venue et d'avoir essayé de t'embrasser. La vérité, c'est que j'en avais eu envie moi aussi. J'avais eu envie de la prendre par la main, de l'entraîner dans la chambre, de sentir son odeur. Mais l'autre vérité, c'est qu'il n'existe aucun retour possible, jamais. Peu importe le désir naïf qu'on en a, il est seulement impossible de revenir en arrière, même d'un pas. Tiens, mon peu peur, c'est pour toi. Voilà. Doucement. Itterberg, comment vas-tu? On m'a dit que quelqu'un avec un accent du sud avait cherché à me joindre. J'ai parié avec moi-même que c'était toi. Oui, je voulais... J'avais une question, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Bon, de toute façon, il fallait que je te parle. Je pars en vacances dans quelques jours. Je crois que j'ai oublié de te le dire. Tu vas faire quoi? Rien, mais avec beaucoup de conviction. Je pars une semaine dans une vieille maison au bord d'un lac près de Vasteras. Bref, je voulais faire un point avec toi. Avec les collègues, on a deux théories. Je t'écoute. Première théorie, les von Henke ont planifié leur disparition ensemble. Et ont décidé, va savoir pourquoi, de partir à deux moments différents. Peut-être que Hakan est parti en premier pour préparer l'arrivée de Louise. Et la deuxième théorie? Ils sont morts. Voilà à peu près le cadre. Mais je suis d'accord. C'est pas très réjouissant. La question qui me semble la plus importante à la présence, elle n'est plus pourquoi ils ont disparu, mais pourquoi nous ne les retrouvons pas. Et dans ce sens, il y a un détail qu'on a oublié, je crois. Un tiers dont nous devons tenir compte. Le fils? Exactement. Si l'on suppose qu'ils ont mis en scène leur disparition, est-ce que tu crois vraiment qu'ils exposeraient leur fils à une pareille angoisse? C'est inhumain, non? Malgré les apparences, Hakan est le genre de père qui allait rendre visite tous les mois à sa fille handicapée. Et concernant Louise, qui était adorée par tout le monde, son plus grand défaut, c'est qu'il lui arrivait de s'impatienter. Pour l'instant, l'hypothèse d'une double vie n'est étayée par rien. J'ai même eu Interpol, et ils ont confirmé mon idée, à savoir qu'il faut peut-être envisager les choses tout à fait différemment. Tu crois que Hans aurait un rôle dans cette affaire? Tu l'as interrogé? Oh, je lui ai parlé hier, c'est lui qui m'a appelé, il était complètement désemparé, après cette histoire avec Signe. Son inquiétude a l'air sincère, et puis il gagne très bien sa vie, de quoi écarter un mobile plus sordide et prosaïque. Bah, alors quoi? Alors, rien. Voilà où on en est. On continue à creuser, mais le sol est franchement dur. Je pars en vacances après-demain, mais tu pourras toujours me joindre. C'est ça que j'oublie de dire. Je te promets de ne le faire que si c'est important. J'avais failli lui parler du cylindre, du galet disparu, mais quelque chose m'en avait empêché. Sans doute la sensation atroce de ma maison visitée par des inconnus, les mêmes que ceux qui avaient nettoyé le bureau de Hakan. Je ne savais plus à qui je pouvais me fier. Peu de gens étaient au courant que j'étais à Stockholm et pas chez moi, et Itterberg en faisait partie. J'avais donné rendez-vous à Linda dans son restaurant préféré, mais elle aimait mieux passer chez moi dans l'après-midi. Soit un des changements de la vie de jeunes parents. De braves gens avaient eu l'idée de dérouler des câbles Internet sous la terre jusque chez moi. Et j'espérais que d'autres braves gens auraient eu la bonne idée de mettre sur Internet une photo de mon mystérieux cylindre. C'est un câble relais. Des fils, des fiches, et ça, une espèce de dispositif de fixation. Qui a été arraché. Ça pourrait bien effectivement s'être détaché d'un sous-marin, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un système de mise à feu de mine? Ou de torpille? Ou un truc de radar? Oui, moi aussi, t'as sûrement raison. Rien, pourquoi? Comment ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça va, tu le sais très bien, papa. Hein. Elle était mal et tu l'as à peine laissée entrer. Quoi? Enfin, c'est un monde. C'est Mona qui t'a dit ça? Tu l'as quasiment enfermée dans la chambre. Oh, je rêve. Je l'ai accueillie, j'ai séché ses larmes, je lui ai préparé une soupe et je l'ai bordée. Ce qu'elle t'a raconté est un tissu de mensonges. Tu parles pas comme ça de ma mère. Elle ment. Et avant d'être ta mère, c'était ma femme, je sais de quoi je parle. Et c'est pas de ma faute si elle est encore tombée sur un psychopathe. Elle est seule, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, elle est seule? Tu crois que moi, je suis pas... Avec tout ce qui se passe, j'ai aussi besoin de ma mère, que ça te plaise ou non. Mais bah, je préférerais qu'elle passe me voir quand elle est sobre. Ah, parce que toi, t'es toujours sobre, peut-être. T'as jamais été mal. Elle a besoin de nous. Je croyais que c'était toi qui avais besoin d'elle. Bon, je peux savoir pourquoi tu voulais me voir. Viens, on va faire une promenade. Il faut que je te parle. Yossi! Et moi, quand je pleurais, petite, qu'est-ce que tu faisais? J'avais des oreilles plus solides à l'époque. Est-ce que tu as déjà envisagé que Hans pourrait être mêlé à tout ça? Oh non, mais attends, tu vas pas recommencer avec ça, je crois. Je te parle pas de Signe, je veux dire, la disparition de ses parents, il pourrait les avoir aidés à fuir. Est-ce que tu es absolument sûre de lui? Non, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais... J'espérais que tu me dirais ça. C'est drôle que tu me le demandes. Tu veux pas qu'on s'assoie un moment? J'y avais déjà songé, figure-toi. J'ai déjà eu le sentiment qu'il me disait peut-être pas toute la vérité. À quel sujet? L'argent. C'est lui qui gère le compte de ses parents, tu sais. Oui, Itterberg a déjà tout épluché, il n'y a eu aucun mouvement bancaire récent. Je sais, mais ses parents menaient une existence plus qu'aisée, genre grand train, tu vois. Mais quand je lui en parlais, il éludait toujours la question. Tu crois qu'il y aurait un compte caché ? Un compte caché, non. Enfin, j'en sais rien. Tu as bien compris que si ça devient une affaire crapuleuse, vous devenez vous aussi des suspects potentiels avec Hans. Je crois pas que l'argent soit au centre de l'affaire. En revanche, j'ai l'impression, comme toi, que Hans ne dit peut-être pas toute la vérité. Mais dis donc, t'as encore de la visite ? Moi qui pensais que t'étais un vieillard solitaire. C'est Martinson. Je lui ai demandé de venir jeter un coup d'œil chez moi. À ton avis, pourquoi on s'introduirait chez moi pour ne rien prendre ? Eh ben, il y a deux solutions. Soit ils n'ont rien trouvé, soit ils ont voulu au contraire laisser quelque chose. C'est bien ce que je me suis dit. Tu as le détecteur de micro ? Mais j'ai tout ce qu'il faut. Vous pensez qu'il y a des micros ? Vous devenez complètement parano, là. Hein ? Attends, les services de renseignement ont envoyé un mec à Eiterberg. T'es sérieux, là, papa ? J'ai jamais vu comme ça. J'aurais pu demander à quelqu'un de la scientifique, mais avec toutes mes histoires... Mais non, t'as bien fait de me demander, au contraire. Je m'entraîne pour ma retraite. Je vais faire un tour dans la maison. Oula, attends, je t'accompagne. Je suis plus souple que toi. Oh, tu parles. Oh. Moi, j'ai la force de l'âge. Allez. J'ai été surpris de voir tout ce qu'on trouve sur Internet en tapant « étui à cigare géant ». Tellement surpris que j'ai fini par me décider à appeler Sten Nordlander. Martinson n'avait trouvé aucun micro et il fallait bien que j'avance. Je suis en route vers le nord. T'en as jamais assez de la mer ? Ah, jamais, hein. Tant mieux. J'ai sous les yeux un objet étrange qui vient du fond de la mer. Un cylindre d'environ 1 mètre de long, avec un diamètre de 20 centimètres à peu près, avec un couvercle entrouvert à une extrémité, et tout un fatras de relais et de câbles électriques. Je crois qu'il pourrait s'agir d'un morceau de sous-marin. T'as trouvé ça où ? Dans la cave de Louise et Hakan. Tu vois de quoi il pourrait s'agir ? T'as essayé de dépiauter un câble ? Non, je peux faire ça, ça risque rien. Vas-y. Alors, dedans, il y a des câbles encore plus fins, aussi fins que des fils de toutes les couleurs. Ah, ça ressemble à des câbles de connexion, un truc qui sert aux communications. T'as Internet ? Tu me prends pour qui ? Tape cylindre d'écoute. Cylindre. Eh ben c'est ça, t'avais raison, c'est exactement ça, un cylindre d'écoute. Bon, faut que je vois ça. N'en parle à personne, hein, je prends un avion le plus vite possible. Et tu vas m'expliquer où tu as trouvé ça pour de vrai. Quelque chose se resserrait. Est-ce que c'était Hans ? Est-ce que c'était cet objet du fond de la Baltique ? Est-ce que c'était la trace poussiéreuse autour d'un caillou déplacé ? Les von Hencke devenaient peu à peu des étrangers. Linda avait raison, et c'était terrifiant. Mon père avait toujours été une énigme pour moi. Est-ce que j'étais de la même façon une énigme pour Linda, ma propre fille persuadée pendant des années que je lui cachais quelque chose ? Et Clara ? Est-ce que je ne serais pour ma petite fille qu'un vieux policier gris et taciturne, terré dans sa maison avec de moins en moins de visites ? Clinique Nicholas Gaiden, bonsoir. Bonsoir, je voulais juste savoir si tout allait bien du côté de Signe. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de changements dans son monde, mais je crois que la visite de son oncle lui a fait du bien. C'est important que d'autres membres de la famille puissent venir la voir. Son oncle ? Gustav von Hencke. Il est venu dans l'après-midi, il est resté environ 1 heure. Pourriez-vous me rappeler, au numéro qui s'affiche, si jamais son oncle revenait ? Il y a un problème ? Non, tout va bien, rassurez-vous. C'est juste... On essaye de s'organiser pour ne plus la laisser seule. Merci beaucoup, bonne soirée. Linda, Hans a-t-il un oncle dont tu ne m'aurais pas parlé ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a jamais eu d'oncle. Tu en es certaine ? Il n'y a pas d'oncle, papa, je te dis. Écoute, là tu m'inquiètes, hein, je crois que tu devrais un peu lever le pied. Pas d'oncle, tu en es sûr ? Oui, il y a un cousin en Angleterre, mais c'est tout. Je sais que tu es en vacances ce soir, mais quelqu'un d'autre pourra se rendre à la clinique pour récupérer un signalement, n'est-ce pas ? Évidemment, ne t'en fais pas. Je transmets ton numéro. Ballander, Ça va? Je crois que tu devrais peut-être prendre quelques vacances, toi aussi. Te reposer un peu. Non? Je t'interdis d'aller là-bas, tu m'entends? Faut que tu te reposes. Tu surveilles tes glycémies. Glycémie, lessive, sortir le chien, le pont sur la gauche et des ricochets. Faut que tu te reposes. Mais où est-ce que tu as mis ton arme? Rentre chez toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Respire. C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne. Sixième épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Itterberg, Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander, Catherine Matisse, Mona Wallander, Hervé Furic, Magnus Martinson, Jean Pennec, le journaliste radio, et Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain!